Chapitre 5e. La princesse au nez long de trois aunes. Le lendemain matin, aussitôt que les premières brumes se furent dissipées sur la cime des arbres et le bord de la mer, le vent du nord réveilla la jeune fille aussi doucement que le pouvait faire un vent aussi redouté entre les vents. Puis, en aspirant tout l'air qu'il pouvait, il se démena, se remua, se gonfla, et s'enfla si bien qu'il revêtit bientôt une forme monstrueuse. Cette forme était si vaste qu'elle projetait une ombre sous elle à couvrir un royaume, et l'on eût dit que toutes les nuées, tous les orages réunis en un seul endroit, se fussent amoncelés pour menacer le monde d'un déluge nouveau. Enfin, le terrible Boré souleva la jeune fille, l'installa sur son dos entre ses ailes, et tous deux partirent à une allure si vertigineuse qu'il semblait que rien ne pût leur faire obstacle et qu'ils ne dussent s'arrêter que parvenus à la limite de la terre. Au-dessous d'eux, à mesure que le vent du nord déployait ses vastes ailes couleur d'ébène, il déchaînait la tempête et le chaos. Tantôt c'étaient de grandes forêts qui étaient jetées à bas et tombaient avec un gémissement sourd. Tantôt c'étaient des villages entiers qui se trouvaient détruits par le cyclone. D'autres fois, quand ce vent dévastateur arrivait au-dessus des flots, c'étaient des navires qui se trouvaient engloutis par centaines. À ce moment, l'aspect de la mer prenait une teinte lugubre. La frange frissonnante des vagues ourlait une sorte de sueur où roulaient les corps des naufragés. Parfois, le vent du nord, sentant ses forces faiblir, donnait un terrible coup de rein, et semblable à l'aigle farouche, il montait au plus haut du ciel. Mais d'autres fois, ses forces défaillantes le ramenaient comme l'éider blessé ou la mouette plaintive à la surface de la mer, et à un moment même, le vent redouté entre les vents descendit si bas qu'on eût dit qu'il marchait sur les flots. Mais, dans ce désordre d'orage et ce mouvement de tempête, il n'advint pas une fois à ce vent généreux d'oublier la fragile Herda. Souvent, il apaisait de lui-même sa voix, et profitant d'une accalmie qu'il ordonnait aux éléments, il demandait à la jeune fille si elle avait peur. Mais le courage d'Herda semblait croître avec le danger. Elle pensait toujours au prince. Cette pensée brille à ses yeux comme une étoile. « Non, je n'ai pas peur, » répondait-elle résolument. Enfin, à force de bond au-dessus des contrées, d'enjamber au-dessus de l'océan, ils comprirent qu'ils n'étaient pas loin du pays désiré. À peine le vent du nord eut-il reconnu, à certaines algues géantes qui voguaient sur les flots, les approches de la terre, qu'il rassembla, dans un effort suprême, les dernières de ses forces et vint le plus doucement qu'il put déposer la jeune fille sur le sable du rivage et à l'endroit même où s'élevait le château resplendissant situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. À peine se trouva-t-elle déposée sur ce sable, qui était tiède, profond et d'une douceur étonnante, que Herda, rompue de fatigue et bercée par les songes, s'endormit jusqu'au lendemain de ce grand jour. À l'aube, elle s'aperçut en s'éveillant que le vent du nord avait disparu. Un immense apaisement avait succédé à l'ouragan de la veille. Il y avait toutes sortes d'oiseaux qui volaient gaiement au-dessus de la mer. Le soleil était lumineux et la jeune fille se sentit si réconfortée qu'elle se mit à jouer avec sa pomme d'or. Avec beaucoup d'adresse, elle prenait cette pomme, la projetait en l'air, puis la recevait dans ses mains qu'elle tenait ouverte. À ce moment pourtant, l'une des fenêtres du château enchanté s'ouvrit du côté du rivage. La princesse au long nez s'approcha pour mieux respirer l'air frais du matin, et c'est alors qu'elle aperçut Herda qui jouait avec la pomme. « Jeune fille, » dit la princesse au nez long de trois aunes, « voudriez-vous me céder cette pomme d'or ?» Mais Herda, qui n'avait affronté tant de périls que pour approcher du château et découvrir la porte qui en fermait l'accès, répondit avec beaucoup d'adresse que cette pomme n'était pas à vendre et que, ni pour or ni pour argent, il ne fallait penser à l'acquérir. À ces mots, Herda s'approcha de la fenêtre où était la princesse et lui remit la pomme enchantée. Aussitôt une porte s'ouvrit devant elle. Elle entra dans le château, et le soir venu, il lui fut permis de s'approcher du prince. On pense avec quel trouble elle le fit, avançant avec précaution, retenant son souffle, et si amoureuse de lui que son cœur dans sa poitrine, semblable à un battant de cloche, faisait tic-tac à tout rompre. Mais à peine se fut-elle penchée d'un peu plus près, qu'elle vit que le prince dormait, et son sommeil était si profond que malgré son effort pour le réveiller, rien ne put le tirer de l'engourdissement où il était plongé. la vérité nous oblige à dire que la méchante princesse, jalouse comme personne, avait fait boire un narcotique à son prisonnier. Ce narcotique était si puissant que ni les pleurs, ni les cris, ni les baisers de la pauvre Erna ne furent suffisants à rompre le charme. Et pour comble de douleur, aussitôt que la clarté du jour perça entre les rideaux, la princesse au long nez entra dans la chambre et chassa la jeune fille. Le jour suivant, Erda, toute désolée qu'une tentative aussi adroite n'eût pas réussi, s'assit de nouveau sous les fenêtres du château enchanté, et là, tout en chantant une complainte de son enfance, elle se mit à se peigner avec son peigne d'or. La princesse, attirée par le chant, va se mettre à la croisée et vit ce beau peigne d'or dont se servait Erda. Aussitôt, elle en eut le désir et demanda à la jeune fille de le lui céder. Erda répondit que ce peigne n'était pas à vendre, ni pour or, ni pour argent, mais cependant, si la princesse l'autorisait à lui laisser passer une nouvelle nuit auprès du prince, elle ferait en sorte de lui abandonner ce peigne magnifique. Mais hélas, il en fut cette nuit-là de même que la veille. Le prince était endormi aussi profondément que la première fois, et tous les cris, tous les sanglots, tous les appels furent impuissants à le réveiller. Le jour parut, et l'affreuse princesse entra dans la chambre et chassa Erda. Celle-ci, aussi désespérée qu'on peut l'être en un tel état, s'en alla au bord du rivage, et là, pour se consoler, elle se mit à filer avec son rouet d'or. Ce rouet était tout ce qui lui restait des cadeaux que lui avaient faits les trois vieilles. Mais à peine la princesse, au nez long de trois aunes, eut-elle aperçu ce rouet, qu'elle le désira. Erda, qui ne voulait le vendre ni pour or ni pour argent, ne consentit à en faire l'abandon que si la princesse lui donnait, cette nuit-là encore, accès auprès du prince. Et cette fois encore, le marché fut conclu. Cependant, sans une circonstance à laquelle n'avait pas pensé la princesse, cette tentative eut tourné comme les précédentes à la confusion de la jeune fille. Cette circonstance était que les captifs, enlevés par des corsaires au service des trolls, se trouvaient enfermés dans le château enchanté, dans un cachot contigu à la chambre du prince. Ayant reconnu qu'une femme avait pénétré la nuit auprès de ce dernier, il n'avait eu de cesse de gémir et pleurer jusqu'à ce que le prince, qui n'avait pas encore absorbé le breuvage magique, les eût entendus. C'est alors qu'ils le mirent au fait, et le prince se montra si subtil que quand la princesse au long nez parut avec le filtre, il fit semblant de le boire, mais profitant d'un moment d'inattention de sa geôlière, fort adroitement le jeta par-dessus son épaule. Aussi je vous laisse à penser le bonheur d'Erda, quand la nuit venue, elle pénétra dans la chambre, vit le prince aussi beau que jamais il avait été, les yeux grands ouverts et si parfaitement éveillé, qu'il commença par lui tendre les bras et par lui dire les paroles les plus douces qu'il fut possible d'entendre. Pour le prince, il était si émerveillé qu'il ne se lassa pas d'apprendre, de la bouche d'Erda, le récit de toutes les aventures fabuleuses auxquelles la fille du pêcheur avait été mêlée et les périls qu'elle avait affrontés pour l'amour de lui. « Je suis d'autant plus à l'aise de vous entendre, » ajouta le jeune homme, « que je dois me marier demain avec la princesse. Mais maintenant que je vous ai revue, je la trouve si laide et je lui vois le nez si long qu'il ne m'est plus possible de consentir à en faire ma femme. » En vérité, c'est vous seul que j'aime, vous seul qui pouvez secouer mes chaînes et faire cesser l'enchantement. La princesse va venir tout à l'heure, et je vais lui signifier aussitôt qu'elle sera en ma présence, que je ne puis plus consentir au mariage que si elle est capable de laver parfaitement une chemise sur laquelle il y a trois taches de graisse. Cette princesse désire tellement m'obtenir comme époux qu'il n'y a pas de doute qu'elle consente à se prêter à cette épreuve. Au besoin, elle fera appel à sa mère et à ceux de sa famille, mais je sais bien que jamais elle ne pourra réussir à enlever ses taches. Ce n'est pas là un travail pour une bande de trolls, et il faudra bien que ceux-ci n'ayant pas réussi à laver cette chemise, je vous demande de le faire. »